flow bulletproof. You mentioned something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Le 1er novembre. Et le 1er novembre, c'est Miko ? C'est férié. Absolument. Si jamais on vous demande la signification de cette journée, dites qu'elle est fériée. Et tout simplement. Ça passe partout. Voilà, que c'est la principale. Alors certains vous diront oui, mais c'est là. Toussaint. Voilà, la Toussaint, c'est la fête de. Non, de tous les saints. En vrai de vrai, c'est le lendemain de Halloween. C'est vrai. On s'est marré. Mais quelle émission incroyable. C'était énorme. On a fait une émission de dingue. On va avoir une vidéo qui va sortir dimanche, c'est ça ? Dimanche. Qui reprend les meilleurs moments, les pires moments. Si tout, tout va bien. Parce que c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire que quoi ? Si tout sera prêt pour mais dimanche. Tout sera prêt. Mais tout sera prêt, oui. T'es un champion du monde. Aujourd'hui, nous avons eu droit à notre journée best-of. Voilà. Oh. Bah oui. Parce d'ailleurs, on n'est pas là. On avait tous des petites obligations familiales, la Toussaint. Oui. Voilà, c'est important. Bonjour papy, bonjour mamie. Bah c'est oui. Tout ça, quoi. Ce que font beaucoup de gens qui nous écoutent sur la route. On va vous mettre un petit best-of de tous les meilleurs moments que l'on a eu. Évidemment, on n'a pas pu tout mettre en 3 heures. Non. Mais on en a fait énormément de conneries depuis, déjà depuis fin août. Oui, Miko ? La crème de la crème. Ouais, j'ai envie c'est de ça. Dire ça. Bien sûr. Il a raison. Le la caviar. Cerise sur le gâteau. Mais bien sûr. Bien, le caviar, c'est le ça. Champagne.

T'étais dur quand même. Ah bon, lui aussi. Et donc, dans la compile de la rentrée, il y a la chanson que tout le monde s'est dit ce matin. On s'en fout, on n'y va pas, on la casse cachée sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Mais voilà, le jour de la rentrée, c'est le jour où faut aller à l'école. Mais pas n'importe comment. Ça paye comme jamais. C'est obligatoire, hein. Ça, tu mets toujours tes vêtements que tu viens d'acheter. Tu sais, t'es très fier. T'as ta nouvelle trousse, t'as tout. Avant de sortir de chez toi, tu jettes un dernier œil sur ta serviette de plage. Elle est là, elle sèche, juste avant d'être rangée pour longtemps. Dans la compile de la rentrée, il y a la chanson que tu chantes en entrant au bahut quand tu redoubles pour la quatrième fois. Je suis habitué. Tendez l'oreille, il y a également la chanson à ne jamais chanter à ton prof de français. Eh oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas français. Et il y a également la chanson que tu peux chanter à tes stylos pour les motiver. Allez les bleus, allez. C'est à ton 4 couleurs, tu chantes ça à ton 4 couleurs, ça marche mieux. Allez les bleus, allez. Il y a également la chanson quand tu croises un mec dans les couloirs, tu connais sa tête mais tu te souviens plus vraiment de son prénom. Miguel. Ah non, c'est pas toi. Paris. Non. Marseille. C'est pas ça. Sur le bout de la langue. Soleil. Ah non. Non. Ah oui, c'est ça, c'est Pasquale. Et des fois, il y a des bonnes nouvelles à la rentrée des classes. Des très bonnes nouvelles. La prof de musique est bonne. Des fois c'était l'inverse. 17h-20h, c'est le best of de Koï sur Énergie. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Le meilleur de Koï revient dans 5 minutes sur Énergie. Faux stars préférés reviennent tout à calme. Le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Welcome to the...

But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never Best of the Koi sur Énergie. Est-ce que vous connaissez Horst Schulz? Non, ce n'est pas Papa Schulz. Horst Schulz a réalisé une... Alors, je vais être obligé de dire des mots, mais qui sont des mots scientifiques. Hein. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Ouais. Ah bah, éjaculation, je n'ai pas d'autres mots. Non, ça va. C'est dans le dictionnaire sur France 5, dans l'émission de la santé. Donc, il a réalisé une éjaculation de 5,71 m. Sachant que la moyenne est de 20 cm. Alors oui, effectivement, dans la vraie vie, c'est... Voilà, alors que dans lui, c'était... Usain Bolt. Le mec, il a des spermatozoïdes, ils sont en short à l'intérieur, ils sont comme ça, ils font t'es prêt, on y va ou pas? Ouais. Wouh. Aïe. 5,71 m, je suis chaud. Ah ouh. Ils se motivent, ils sont entre eux comme ça. Alors que nous, nos spermatozoïdes, bon bah ils sont en tongs. Mais c'est problème. Hein, ils ont un pyjama, ils ont un petit jogging, on leur dit à vous, puis ils se jettent. Arrête. On n'est pas les mêmes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre encore? J'en ai plein, hein. Ouais. Ah tiens, attends qu'on est là-dedans. Masanobu Sato, en 2009, a fait la masturbation la plus longue de l'histoire. Il s'est tripoté 9h58. Et c'est là que je voudrais vous, que vous vous... On va s'arrêter juste sur lui. 9h58, ce qui est quand même... c'est quand même... Non, c'est violent quand même. Oui, c'est violent. Mais... Non, il n'y a que moi que ça choque ou Non. Si. Moi déjà j'ai envie de lui mettre une chanson. Mets de l'huile. Ça c'est pour l'encourager. Mais 9h58 à faire ça. La question que je me pose, bah, pareil, je pense. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le mec s'arrête à 2 minutes des 10h? Oui. Le claquage, quoi. Et à l'occasion, on pense que c'est le truc. Et le mec dit non, c'est le bras. J'ai fait un claquage du biceps. Et ouais, j'étais chaud, hein, tout allait bien. Mais j'avais la burette et tout allait bien. Puis le bras qui a fait claque. C'est le claquage. 9h58. Oh, mais t'es brûlé. Et là, remettez-vous à la place de ces spermatozoïdes. Les mecs, ils sont assis comme dans le bus. On y va quand, les gars? Non, parce qu'on est chaud, nous. On est au taquet. Hein. Ça pousse derrière. Ah, c'est comme les matchs de foot. Hein. Ils sont comme ça. Ils se préparent, ils s'échauffent. Ils disent on y va, ouais. Faut qu'on soit prêt. 17h-20h, c'est le best of the Koi sur Énergie. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I fear best-of de Koï sur Énergie. Alors aujourd'hui, pour les champions du monde du jour, c'est un spécial. Spécial office du tourisme en Bretagne cet été. Ouh, c'est précis. Je fais un bisou à tous les Bretons qui nous écoutent. Des touristes sont arrivés à Rennes et ont demandé « Il est où le Parlement européen ?» Bah à Strasbourg. Et là. À Carnac, il y a un touriste qui a demandé à l'office du tourisme « Je suis en face d'un alignement de pierres qui sont debout dans la terre, mais je ne vois pas les menhirs. Pouvez-vous me dire où ils se trouvent ?» Non. C'est là. Mais je sais pas, demande à Obélix, je vais lui demander. À Erdeven, dites-moi si je me trompe dans les prononciations. À Erdeven, dans le Morbihan, il y a une jeune femme qui a fait pire. Elle a demandé si les menhirs poussaient bien dans la terre et si on pouvait avoir des graines. Non, mais non. Bien sûr, tu mets du gravier, t'attends un peu, t'arroses, t'auras des menhirs. Il y a des touristes qui ont demandé, celle-là elle est magique. Est-ce que les marées fonctionnent le week-end? Non, enfin, il y a des RTT. Bien sûr, quelle heure il est? On est vendredi, 17h, il n'y aura plus de marée. Non, c'est fini, on remballe le sable et tout. Et pour terminer, il y a des touristes qui voulaient visiter la forêt de Brocéliande, vous savez, la forêt magique en Bretagne, qui est magnifique, et ils ont demandé à quelle heure la forêt fermée. Ah bah oui. Voilà. Je sais pas, dès que les arbres coupent leur PC pour aller se coucher, je sais pas. Dès qu'il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de forêt. Le hashtag du jour, rentrez évidemment, vous allez vous amuser avec celui-là et je pense qu'on va lire des messages qui vont nous faire rire. Sur Twitter, merci, vous êtes 2 680 000 à me suivre sur Twitter. Continuez de me suivre sur Instagram aussi. C'est Koé officiel partout. Le hashtag à l'école, il y a toujours. C'est ça. Comme ça, que vous ayez repris l'école ou que ce soit un vieux souvenir, ça va toujours vous rappeler quelque chose. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur va chier. I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy, you making me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my yade, go, baby girl, so. Me go make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chier là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle l'a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. On a gardé le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Hier soir sur France 2, dans l'émission politique qui s'appelle comment? L'émission politique. L'émission politique. Ah oui, c'est pas mal. Je sais pas, non, mais là, au département titre. Donc le Premier ministre ne se met. Non, c'est vrai. L'émission politique de France 2 s'appelle L'émission politique. Comment on va l'appeler? Bon, remarque, le journal s'appelle le journal. Oui. La météo, oui, le 20h s'appelle le 20h. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais enfin bon, et le matin, c'était les matins. Ouais. Les gars, on a quoi comme titre? L'émission politique. Et je crois qu'à France 2, il est parti en retraite depuis longtemps, le mec qui fait les titres. Je pense aussi. Je crois qu'il est parti, ils ne l'ont pas remplacé. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, dans l'émission politique, on apprend que le Premier ministre ne se baigne plus en mer. J'ai lu, vous aviez la phobie des requins. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Mais alors, vraiment la trouille. C'est-à-dire que quand vous nagez au large du Havre, vous avez peur qu'il y ait un requin? Non, mais alors, la vérité, c'est que je ne me baigne plus en mer. À cause des requins? Ouais. C'est con, mais c'est comme ça. Non, c'est surtout, vous avez remarqué, le temps d'arrêt, il était à deux doigts de dire, surtout, je me baigne pas au Havre. Il était à deux doigts de le dire. Et quand on écoute, il y a un temps d'arrêt. Il fait non, je me baigne plus. En mer. En mer du tout. On peut le réécouter deux secondes. Vous allez voir le temps d'arrêt. J'ai lu, vous aviez la phobie des requins. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Mais alors, vraiment la trouille. C'est quand vous nagez au large du Havre, vous avez peur qu'il y ait un requin? Non, mais alors, la vérité, c'est que je ne me baigne plus. Vite. En mer. Voilà. Vite, une idée pour que je me sorte de la mouise dans laquelle je viens de me mettre. En même temps, je connais très peu de gens qui se baignent parce qu'ils aiment les requins. Oui. Autres oui, sont oui. Télé. Sur M6, dans le 1945, Kev Adams et Jamel, on colle un petit peu le boxon sur le plateau de Xavier Demoulin. Un mot sur votre corps, Kev. Vraiment devenu costaud. Un mot sur votre corps, Kev. Il est vraiment. On ne peut pas attaquer. Vous laissez entre nous. Xavier, Jamel, on ne peut pas attaquer comme ça. Une question sur votre corps. Tout le monde est gêné. La France est gênée. Un mot sur votre corps, Kev. Un mot sur votre corps, Kev. Non, il a pas dit un mot sur votre corps, il a dit un mot sur votre corps, Kev. Je trouve ce mec, il y a trop de bases dans sa voix. Oui. On a l'impression qu'à chaque fois, il bosse sa voix. Moi, j'aime bien sa voix. On termine avec le lapsus du jour. Il est passé crème ce matin dans Télématin sur France 2. Il est énorme. Allez, 8h12, tout de suite un nouveau journal avec Nathanaël de Rinxa. Pardon pour le retard de 15 secondes. Attendez, c'est un plaisir. La une ce matin? Eh ben, la nuit. La une. La une. Eh oui. Parce que la nuit. Non, pas la nulle. Eh oui. Ni la lune. C'est le début. Eh oui. Sortons les rames. La nuit. 17h-20h. C'est le best of de Koï sur Énergie. I don't wanna lie, can we be honest? Right now, why you're sitting on my chest? I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV,

C'est le best of de Koï sur Énergie. Sur Énergie. Les Belges veulent supprimer l'accord du participe passé. Ils ont dit il suffit, hein. Suffit, on a fait trop de fautes, le EE, le ES, on ne suit plus, hein. Quoi dit par, en fait, quoi la Coupe quoi du quoi Monde, la Coupe du Monde que j'ai gagnée, et E, en et théorie, puisque le COD, complément de jeu direct, est devant, ouais. Je te dis si vous avez un terreau demain, ouais. Le COD est devant, mais eux voudraient que ce soit la Coupe du Monde que j'ai gagnée, et que ce soit tout le temps, et après le verbe avoir. Ouais, ils n'ont toujours pas gagné la Coupe du Monde, hein. Bon, alors oui, écoute, attends, ça s'était calmé. On va pas en remettre une couche. Il y a eu une tension à un moment donné. C'est fini, c'était avant. Donc, on s'est mis à chercher avec toute l'équipe sur les fautes de français que l'on pouvait trouver dans beaucoup de chansons. Et il y en a la plus célèbre, Camaro. Souvenez de Donne-moi ton cœur, bébé. Oui. Écoutez bien. Le fameux Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Il est sublime celui-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y en a d'autres. Écoutez bien le titre d'Indochine, le baiser. Tu me donnes un baiser et nos langues vont juste s'en mêler. Et ta peau se mouilla, elle aura comme un goût de lait. Bon, bah là, on est à la foire au temps, hein, c'est le bordel. Je te mets du présent, du passé simple, du futur. Ah ouais, c'est... Elle mouilla, je t'embrasse et elle aura le goût. Allez, on y va. Là. Dans la même action, t'es dans le passé, t'es dans le présent, t'es dans le passé simple. À David Hallyday, vous vous souvenez de Tu ne m'as pas laissé le temps ? Oui, oui. Ah bah oui, c'est une belle chanson. Ah oui, mais ça, ça se dit pas. Non David, non, tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques, les gamins, vous mettez ça dans une rédac, vous faites défoncer. Hein. Vous avez beau dire Dixie David Hallyday, ça marche pas. Eddie Mitchell. Oh non. Écoutez bien, vous vous souvenez, ça c'est la chanson de Daron. Pas de boogie woogie. Oui. Écoutez, oui. Écoutez juste cette phrase. Voilà, vous vous souvenez de ça. Pas de boogie. Écoutez bien. Reprenez avec moi tous en cœur et non, c'est un Z. Reprenez avec moi. Non, c'est pas vrai. Puisque pas reprenez avec moi, c'est peut-être bien, mais il n'y a pas de R à la fin. Reprenez avec moi tous en cœur. Eh oui. oui, Eddie, une belle faute de français. Tu l'avais pas vu celle-là. C'est Fiu. Ah, c'est Fiu. C'est un rappeur, c'est Fiu. Ouais. Ah, c'est ça. Bah là, ça n'a pas besoin de commentaires. Mon public sont des gens intelligents, souvent méchants. Je la refais. Mon public sont des gens intelligents, souvent méchants. C'est pas réciproque, forcément. Mon public sont des gens intelligents, souvent méchants. Même Soprano. Oh. Même mon Soprano non, qui Soprano. Sera là vendredi. Non. Oh, si, écoutez bien. J'aurais été à la naissance du fils à Marie. Non. Non, c'est pas le fils à Marie, c'est le fils de Marie. Marie. Ah bah oui. Eh oui, oui. Pareil, on va, pareil, on va pas au coiffeur, on va chez le coiffeur, mais on emmène la vache au taureau. Oui, oui, c'est ainsi comme ça. Bon, bah, Jules, faut-il, Jules, j'ai envie de dire c'est l'album complet, mais prenons une phrase. Et si je t'aurais donné ce que j'avais, tu m'aurais déjà mis dehors. Eh oui, et si je t'aurais donné ce que j'avais, magnifique. Oh, champion, quoi. Ça, ça aussi, dans une rédac, c'est deux, hein, d'office. Hein. Mais ça, c'est abusé, quoi. Sniper, gravé dans la roche. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Eh oui, oui, oui, c'est de ça dont je parle. Ça serait mentir si je dirais que c'est pareil. Et personne n'est corrigé. Bah, c'est le problème, c'est qu'en une phrase, le mec, il a deux. En une phrase. Oh, le fameux 113, hein, ça, il est celui-là, il va très très vite. On sait c'est qui domine. On sait c'est qui domine. C'est comme, Kiki comme dirait le con... Kiki, encore un Kiki. Comme dirait le comte de Bouderbala dans son sketch, on sait c'est qui suivait pas à l'école. Seth Gecko, magnifique aussi, Seth Gecko, il est très bien. Dans le rap, j'ai aucun rivaux. Dans le rap, j'ai aucun rivaux. Dans le rap, j'ai aucun rivaux. Non, j'ai un rival des rivaux. Dans le rap, j'ai aucun rivaux, ça ne se dit pas. C'est abusé. Sniper, toujours. De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. Eh oui, de toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. Il y avait pas. Ah, j'adore. Mais alors, ça, c'est les fautes de français. Il y a aussi les fautes de géographie. Non. Ah, vous êtes prêts? Ah ouais. Je prends deux tubes. Sous l'équateur du Cuba et Manille. Eh oui, le problème, ni Cuba ni Manille se situe dans la partie sud de l'équateur. Eh oui, j'ai envie de dire, mal vu Gilbert. C'est dommage, c'est une chanson, c'est dommage, c'était bien parti, mais t'as pas pris les bonnes villes. Et évidemment, le plus magnifique, Michel Sardou, les lacs du Connemara, ça va aller très vite. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Eh oui, là là là là là là là là, sauf que les lacs du Connemara, c'est en Irlande, le Loch Ness, c'est en Écosse, tant pis pour toi. 17h-20h, c'est le Best of the Koi sur Énergie. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo da. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama, estamos ready y la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente más. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil. Chile hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. En Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal. De España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. En Venezuela que lo muevan. Que lo ve. Rap Chilean Bumuler. Que lo ve. La Hindi Mashup. 17h-20h. Coé sur Énergie. Maria, est-ce que tu penses que si on lui dit qu'on fait partie de la loi Hadopi, etc., qu'on l'a gaulée, est-ce que tu penses qu'elle elle va admettre ou pas? Toi qui la connais, elle est comment? Elle est grande gueule? Elle est... Ah ben, je pense qu'elle va, vous répondre. Elle va savoir vous répondre, je pense. Ah, attention, il ne faut pas me répondre. Hein. pas trop. Ah non, ah non. Alors, je vais prendre un nom. Comment voulez-vous que je m'appelle? Je proposais Thierry Lavignas, un nom sérieux. Non. Quoi? Ah non, mais ça, à l'époque, tu prenais beaucoup de gens, ça marchait bien. Pourquoi non? Pourquoi tu veux pas? Vas-y, si tu veux. Mais pourquoi? Mais parce que non, parce qu'il travaille ici. Ah oui? Bah oui, mais c'est quelqu'un de sympa, c'est ouais. Quelqu'un de gentil. Il a une autorité. Bah attends, ah oui. Je suis Thierry Lavignas. Allez. Voilà, je rends hommage aux gens de cette maison. Vous avez tout à fait raison. Allez, on monsieur. Appelle Maria. Attention, grand silence, un grand silence dans le public. Monsieur Lavignas. Chut. Attention. Oh? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Maria? Oui, et oui. Vous, bonsoir, qui madame. Qui, hein? Bonsoir, madame. Monsieur Thierry Lavignas, département digital du gouvernement. Oui. Vous avez été détecté pour du téléchargement numérique digital par les services d'Adopi, madame. Ah bon? Non, je ne télécharge pas du tout. Hein. C'est quoi ce bordel, là? Madame, est-ce que vous reconnaissez les faits, déjà, simplement? Non, pas du tout, non. Madame, selon la loi, on se parle franchement entre nous. La loi 2009-669 du 12 juin 2009, madame, je suis obligé de vous en parler, favorisant oui, la protection... Si, madame, je vous en prie. Vous criez, vous n'écoutez pas. Favorisant la création sur Internet, dites la loi Hadopi, vous risquez 300 euros d'amende et une suppression de votre abonnement Internet. 300 euros par film téléchargé. Ah ben, c'est pas grave, hein, je télécharge pas, alors j'ai pas de soucis. Hein. Madame, je crois que vous ne rendez pas compte du mal que vous faites à tous les artistes interprètes, le marché du disque, le marché du cinéma... Alors, je vais consulter deux secondes votre dossier. Oui, allez-y. Hein. Bon, j'ai tout, madame, qui apparaît. Hein. J'ai tout. Il y a de tout. Il y a de tout, madame. Il y a des films français, films internationaux, nouveautés. Oui. Il n'y a pas des films de cul aussi. Hein. Madame, d'abord, je consulte. Je vérifierai ça après. Mais vous savez, on n'est pas là pour regarder. C'est interdit de télécharger. Hein. Bon, madame. Bon. Une équipe va venir chez vous saisir l'ensemble des ordinateurs, tablettes et téléphones portables du foyer. Oui, afin de procéder. Madame, jouez pas la maligne. Afin de procéder à des vérifications qui vous seront remises d'ici 2 mois minimum. Alors, il y a une possibilité pour éviter tout ça, madame, c'est de reconnaître les faits. Il n'y a pas de faits. C'est madame, quoi ce bordel là madame, madame, vous avez téléchargé des films, les gens le font. Nous sommes là pour dire que c'est illégal. Vous avez ça à foutre, à foutre. Bah, en l'occurrence, je n'ai que ça à foutre. C'est notre métier, madame. On est là pour. Ah bon? Alors, je vous demanderai de descendre d'un ton. Et non, je vais pas en lire. Je vous propose de me dire donc la vérité. Il n'y a pas de vérité. Hein. Madame, mais si c'est le cas, vous avez téléchargé. Oui, il y a 5 ou 6 ans, mais ça remonte à loin. Alors, madame, voilà. Donc, voilà. Nous, on peut passer l'éponge. Mais il faut venir vers nous, il faut nous le dire. Donc, vous avez téléchargé il y a combien de temps? Ouh, il y a 5-6 ans. Non, c'est faux. Ben, non, madame, j'ai votre adresse IP, elle a été repérée. Non, vous n'avez pas téléchargé il y a 5-6 ans, vous avez téléchargé il y a peu de temps. Ah bon? Alors, oui, ah, bah, vous, me dites, pas moi, hein. Vous me dites... Ça doit être que mes enfants, alors. Hein. Voilà, bah voyez, on y arrive. C'est vos ah, enfants. Ah, peut-être, hein. Moi, je suis pas derrière leur cul. Hein. Bah voilà, bah, madame, ça me regarde pas où vous êtes exactement. Mais donc, je note. Donc, sur vos enfants, quel âge ont vos enfants, madame? Ah ben, j'en ai un qui a 23 ans, j'en ai un de 14 et j'en ai un de 8 ans. Alors celui de 14, celui de 8, vous êtes responsable, vous le savez. Oui, je sais, ils sont mineurs. Moi je vois Avengers, Deadpool 2. Oui. Ah oui, ça doit être vos enfants. Ah bon? Ils sont là? Non, ils sont pas là, mais quand ils vont rentrer, ça va barder. Hein. Ah oui, minimum, hein. Qu'est-ce que vous comptez? Ah oui, hein, mais bon, là, ils sont punis de tout. Hein. Punis de tout, oui. Punis de tout. Hein. C'est pas assez fort, madame, ça, punis de tout. Hein. Parce que vous risquez gros, madame, hein, 3 000 euros. Eh bien, c'est pas grave, ça sera leur argent de poche, je vais enlever ça sur leur compte. Hein. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas de film porno, parce qu'on sait jamais. Ah non, vous n'allez pas me dire qu'il y a des films porno. Ben, je vais regarder, madame, je vais regarder. Film, je tape caractère sexuel. Non, j'ai pas. X. Non, j'ai pas. Film de cul, je vais marquer comme film de cul. J'ai pas. Film de boule. Je vais tenter de boule. Film de boule. Il n'y a pas. Ah, j'ai mon cul sur la commode qui a été téléchargé il y a 2 semaines. C'est quoi ça? Mon cul sur la commode, madame. Je sais pas, j'ai juste le titre. C'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est moi, madame. C'est vous qui avez téléchargé mon cul sur la commode? Ah non, je regarde des films porno, moi. Non, mais madame, oh là encore là. Une fois, je suis pas là pour savoir. Je vous dis juste. Non, c'est pas moi du tout. Hein. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Je risque quoi de la prison? Ah non, j'ai Croupe du Monde également qui a été téléchargé. Voilà, ça a été téléchargé également, c'est dans la catégorie X. Oh là là là. Oh mais je vais les tuer. Et ah bah là là, oui, il y a une liste. Ah là, la liste s'agrandit là. Denis Barre dans mon plumard, volume 3. Ah, arrêtez. Ouais, je oh là. Ouais, je sais. Et là, je sors du travail et on m'appelle pour me dire ça, c'est pas possible. Je suis désolé, madame. Je vous dis. Je suis désolé. Ils en profitent quand je suis pas là, c'est pas possible. Oui, visiblement, ils en profitent quand vous n'êtes pas là, je vous confirme. Bon, on a tous été jeunes, hein. C'est ah interdit. Ah oui, mais quand hein. même. Quand même. Ah oui, là, c'est. Je suis désolé. Il n'y a pas une solution, on ne peut pas s'arranger. Alors écoutez madame, ce qu'on propose maintenant c'est de transformer les peines, les amendes en travaux d'intérêt généraux. Mais ça c'est très bien, pour les enfants c'est très bien, même à partir de 14 ans c'est bon. Pardon? Je ne sais pas s'ils ont l'âge, à 14 ans c'est bon des travaux généraux? Bah, il faut que je me renseigne madame. Alors renseignez-vous parce qu'ils vont les faire. Hein. Alors j'ai différents types, j'ai le ramassage de feuilles. Ah mais du n'importe quoi, je veux rien savoir. J'ai traversé et aidé les personnes âgées, voilà. Oui, j'ai oui. corrigé les fautes d'orthographe dans les textes de Jules. Ça, je vous cache pas que celui-là, il est très. Doublure de Shine pour les sauts dans le public. Ouais, hein. Non, c'est. C'est violent celui-là. Il y a aussi rouler des tarpés pour Florent Pagny. Bon, ça, je sais pas si c'est. C'est un peu violent. Mais qu'est-ce que vous me dites là? C'est juste le faire, hein, c'est pas. Ah non, je vais pas. Je veux pas ça, moi. Mais les pornos, on passe l'éponge. Oui. Les pornos, ça va. Ah non, vous effacez tout, là, ils vont faire du travail. Ah non, là je suis énervée, là. Là, c'est pas possible, je vais les taper. Je vais les taper, là. Elle est fantastique. Non, les tapez ah, pas. Ah non, je suis énervée, là. Les tapez pas. Les trucs pour Florent Pagny, c'est une blague. Tout est une blague. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Tout va bien. Mais qui c'est qui m'a fait ça? Maria, qu'est-ce je te présente Aurélie qui est tachée avec ta copine. Hein, qui, oui, tu... ma poulette. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Retrouvailles, bisous, émotions. Oh là là là. Mais quand je vais venir, ah, vous êtes les stars maintenant. Ouais, on comprend rien. Mais en même temps, ne fais rien parce qu'ils n'ont téléchargé aucun film porno. En tout cas, j'ai pas de listing, j'ai rien. Hein. Par contre, tu m'as menti. Maria, tu m'as menti. Visiblement, tu télécharges plus que ça. Oui, c'est vrai. J'ai cherché des films il y a quelques jours. Eh bien, en fait, c'est bien Thierry Lévinas. Je ne suis pas Coé. Je vous ai bien vu. Il y a une PS4 Pro à gagner. Oui. Bravo, on vous envoie bravo, ça. Bravo. À bientôt, les amis. Je vous embrasse fort. Vous êtes chez vous à la maison. Vous aussi, balancez votre pote. Et vous aussi, vous repartirez avec des gros cadeaux. À tout de suite. 17h-20h. C'est le best-of de Coé sur Énergie.

Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Best of the Koi sur Énergie. Nous appelons Tati à Saint-Quentin. Chez Tati Tatou. Tati Saint-Quentin, bonjour, Manuel, à votre service. C'est Tati ? Oui. Tati Tatou ? Oui. J'adore. Ça va, monsieur Jean-Marie ? Ah, non, je ne m'appelle pas Jean-Marie. Ah ? Mais je peux vous. Pourquoi je suis Jean-Marie ? Qui est Jean-Marie ? Je ne sais pas, vous êtes qui ? Alors, moi, je m'appelle Koi. On est sur Énergie. Oui. Alors, des gens, des fois, on m'a confondu des fois rarement avec Arthur, mais très peu avec Jean-Marie. Ah, parce que, bah voilà, vous devez avoir quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul, qui a la même voix que vous. Comment ça va ? Ça va super. Tati Tatou. Chez Tati Tatou. Elle me pourrit la tête, votre pub. Bon, je vous appelle pas pour ça. Mais vous connaissez bien le slogan. Ah, bah, il y a que de la pub dans l'émission tout le temps. Donc, vous allez me faire de la pub pour Tati 50 ans. Eh bien, justement, c'est vous qui allez en faire. Si je vous fais de la pub, vous allez me faire ma pub. Je vous explique. Je viens de revenir sur Énergie. Mm-hmm. Donc il faut prendre le micro. Vous avez un micro ? Un micro, oui. Pour parler au magasin. Voilà. Oui. Moi aussi. Il est là. Et donc, il faudrait parler au magasin et dire que je viens de rentrer, d'arriver sur Énergie, qu'il faut nous écouter tous les jours. Pas de panique, je vous donne le texte. D'accord. Attendez, je prends de quoi noter. Okay. Attendez, je suis avec ma vendeuse. Allez-y. Comment elle s'appelle, la vendeuse ? Elle s'appelle Laurie. D'accord. Vous êtes prête ? Attendez, prendre quoi noter. Ok. J'ai tatidadou. Allez-y, on écoute. Alors. Ah, attendez. Ah, d'accord. Allez-y. Ok. Attendez. Bah alors, vous êtes pas prêts ? Oh, ouais, bah. C'est vous qui n'étiez pas prêts il y a deux secondes. Ah, attention. Bah oui, mais là, je suis prêt maintenant. On y va. Écoutez Koi, alors au début vous faites votre truc, chère cliente. Oui, bah ça on a l'habitude. Voilà, la Tati Family, je sais pas ce que vous dites, ouais. Vos clients. Chère client, écoutez Koi. Alors écoutez Koi. Tous les jours de 17h à 20h. Sur Énergie. Ah, attendez, vous allez trop vite. Ah bah oui, enfin, c'est, en même temps, c'est pas non plus un truc très compliqué. C'est cool. Ouais. De 17h à 20h, ensuite. C'est bon, vous l'avez ? Oui. Il faut rajouter un truc de fin. Attendez, on trouve. Bah, chez Koi, il y a tout. Ouais. Fais la pub, toi, ça va ? Ouais. Ouais, c'est moyen quand même. Hein. Ouais. Parce que, on se calme. Attendez, redites-moi la phrase. Alors, cher client, écoutez Koi tous les jours de 17h à 20h. Oh, faites-moi plaisir à la fin. Faites-moi un petit chez Tati Tatou. Oui. Chez Tati Tatou. Vous me le chantez dans le micro. Si, j'aime bien, moi, ça rentre dans la tête. Ouais, ouais, ça, c'est bien. Hein? C'est ouais. Efficace. Ouais, bon, et nous, on veut bien faire ça, mais on a quoi en échange? Oh, ben ça va, dis donc. Ouais. On est en train de parler de vous, là. On parle de vous, là, on est en direct sur Énergie, là. On est en direct, bon. Mais bien sûr. Bon, vous avez bien dit que c'est le Tati 51, surtout. Hein. Bah, c'est vous qui l'avez dit quatre fois, donc. je vais le redire encore une fois, alors. C'est le Tati 51. Attention, on y va? Allez, oui. je vais entendre. Vous faites taper le micro, vous dites ça. D'accord. Allez, c'est parti, ma vendeuse, elle va le faire. Ok. Vous écoutez bien. Hein. Ah oui. Je suis Tati Tatou. D'accord. En chantant, hein, à la fin. Bah oui, bah bien sûr, hein, c'est notre métier. C'est vrai, bien sûr. Calme-toi, calme-toi. Cher client, écoutez Koé tous les jours de 17h à 20h chez Tati Tatou. Et sur Énergie, ça ferait chier ou pas de le dire? Désagréable. Hein, parce qu'il y a un moment, moi aussi, je peux m'y mettre dans la réflexion. Hein. On va recommencer. Bah voilà. Oui, bah on va recommencer. Bah oui, sur Énergie, Koé. Bah oui. Ah, attendez, elle prend note. Bah oui, sur Énergie, je comprends qu'elle prend note. Moi aussi, vous le refaites. Non, on n'était pas prêt. Non, on n'était pas prêt. Ah, mais non, on n'était pas prêt. J'ai parlé dessus. Moi, je m'en sers demain pour l'émission. Ah non, il faut le refaire à blanc. Normalement, chez Tati Tatou, c'est deux fois. Oui, il faut le refaire. Non, il faut le refaire à blanc. J'ai pas eu le temps. Vous avez parlé dessus. Enfin, moi surtout. Faut le refaire. Vous êtes prêts là? Oui, bah oui. Les gars, il faut être synchro. Oh, hey. Allez, c'est reparti. Vous êtes prêts, vous? Oui. Cher client, écoutez Koé tous les jours de 17h à 20h sur Énergie, chez Tati Tatou. Elle m'a fait que la fin que le jingle. Elle a appuyé sur une touche fois. À chaque fois. Mais c'est validé, c'est bon. On vous fait des gros bisous. Voilà, comme ça, de plus en plus de gens nous rejoignent et viennent écouter cette émission. Gros bisous chez Tati 51, à bientôt. Merci, à bientôt. Je vous embrasse fort, gros bisous. Vous êtes, c'est quoi votre prénom? Comment? Votre prénom? Emmanuel. Salut Emmanuel, à bientôt. Merci, gros bisous. C'était Christian de la Conta, je croyais. Non, attends, coupe. Coupe. C'est bon, tu coupes? Pourquoi tu rigoles? Je voulais que je vous dise un truc. Vas-y. Tu croyais que c'était une femme? Je savais pas si c'était un homme ou une femme. Et c'est pour ça que je lui ai demandé son prénom. Il s'appelle Emmanuel, je sais toujours pas. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Lyon, un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne parle pas. Lyon affamée. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lyon. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Lyonnaise. Ah, Lyonnaise. l'heure de Koé, c'est maintenant. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Les premiers vélos en libre-service électrique vont arriver début 2019 à Bordeaux Métropole. Et ça s'appelle le V3 électrique, qui va être un vélo de libre-service et qui va être électrique. Ça veut dire que tu pédales moins, pas non plus un scooter, tu pédales un petit peu moins et tu vas plus vite. Ouais, c'est assisté. C'est bien foutu ça, j'adore. Moi, c'est cool. Vous avez déjà essayé des vélos électriques? Non, pas jamais. Vous avez jamais fait ça? Non. Mais c'est un kiff les amis. Déjà, tu vois une vitesse que tu n'as jamais vue avec un vélo. 42 km/h, je l'ai jamais vu en vélo. C'est moi qui fais ça. Mais c'est ça, tu regardes ton truc, c'est chez moi, c'est mes jambes. Je suis poussé par un camion, mais je vous assure, c'est vrai. Et quoi, ça pédale tout seul ou... C'est-à-dire qu'en fait, en vélo, la grosse galère, on est tous d'accord, c'est quand t'es à l'arrêt et qu'il faut redémarrer. Repartir, ouais. Ça, c'est une vraie galère. Ou quand t'es en montée. Dès que tu roules, ça va, mais... Le vélo électrique, tu donnes une petite impulsion et ça part tout seul. Ah ok. Et tu n'as plus, c'est fini de monter debout sur ton vélo là, sur chaque pédale. Ah, c'est le but en même temps. Ouais. Moi j'avais pas le droit. Non mais tu fais quand même du vélo, sauf que tu forces un peu moins sur le démarrage. Non, tu pédales quand même. Ah d'accord. Non, tu pédales plus, tu donnais un coup de pédale. Mais tu vas plus vite, c'est plus grisant parce que tu vas plus vite, tu traverses les villes plus vite, donc tu as envie d'aller plus loin. C'est parce que le vélo où tu galères, pourquoi tu lèves la main? Tu veux capter la TNT? T'as pas W9, c'est quoi le problème? Pour réagir. Non, mais depuis tout à l'heure, sens du vent, on est. Je vais pas te couper la parole. Alors. Non mais moi j'ai interdiction parce que mon père il dit que c'est pour les tricheurs et les flemmards. Oui, mais pour faire le Tour de France, oui, mais pour se balader dans la ville. Je te jure, j'ai jamais eu le droit. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre d'être flemmard? T'es majeur là, non? Mec, bah non, j'ai toujours pas le droit. Mais t'es jeune, toi, t'as pas le droit. T'es majeur et t'as pas le droit d'acheter un vélo. J'ai pas le droit. Enfin, les vélos électriques, c'est interdit. C'est interdit. J'ai pas le droit. C'est interdit. Chez moi, oui. Je suis interdit. Toi, ils habitent pas à la Bretagne. Pas de ça. Oui, mais à Paris, tu peux en prendre un. À Paris, oui, mais pas en Bretagne. Enfin, en Bretagne, le mec qui arrive en Bretagne, il doit le rendre, il doit le mettre à l'encadre de la Bretagne. J'ai pas le droit de passer la limite. Et ton père autorise un scooter, ça c'est pas un truc de flemmard. Non, mais un scooter, c'est un véhicule motorisé, mais le vélo. Mais ça revient au même. Les pédales, il dit non, c'est mort, tu pédales quoi. Ok, je te jure que c'est vrai. Mais avec un vélo électrique, tu pédales quand même. Résultat, j'ai envie de leur passer un petit coup de fil pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors donc, on est une personne âgée. Absolument. On est d'accord. Oui. Hein, on va voir. Donc, je suis résident bordelais. Comment je m'appelle? Jean-Pierre Cycliste. Non. Nico, ça marche pas. Tu veux pas t'appeler Jean-Pierre Cycliste dans la vraie vie. Michel Pédale non plus. Non. On prend pas le. Pignon. D'accord. Un pignon. Pignon. C'est le pignon. Monsieur Pignon. Comment? Monsieur Pignon, ouais. Jean-Michel Audopage. Je vais pas m'appeler Monsieur Pignon. Jean-Michel Lasselle. Monsieur Lasselle. Allez, je suis Monsieur Lasselle. Ça marche pas, c'est de votre faute. Ça passe, Monsieur Lasselle. Ouais, vous verrez. Bonjour et bienvenue au centre d'information et de réservation du réseau TBM. Vous êtes très nombreux à nous solliciter concernant la validation de vos abonnements renouvelés à distance, c'est par courrier ou sur Internet, et des difficultés que vous rencontrez. Vous êtes en effet un très grand nombre à avoir renouvelé vos abonnements à distance pour la rentrée, d'où un engorgement des données et une liste d'attente d'activation importante. Engorgement. Si vous avez renouvelé votre abonnement à distance, pour l'activer, il faut absolument valider votre carte de visiteur jaune. Je veux voir quelqu'un, madame, je m'en Après quelques secondes, l'écran affiche télévente OK. Message répondant le plus long du monde. L'opération peut prendre quelques jours. À quelques jours, nous vous invitons à renouveler l'opération à chaque montée jusqu'à l'activation de votre abonnement. Bien. Nos équipes de contrôle sont informées. Je veux voir quelqu'un, madame. Si vous souhaitez d'autres informations, veuillez patienter. Ah. Nous allons prendre votre appel. Quand même. Merci, madame. Bip. Ah, quand même. Monsieur Lasselle. Oui. Monsieur Lasselle. Réseau TBM, bonjour. Allô, bonjour, madame. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Lasselle, résident bordelais depuis 1948. J'appelle pour les vélos électriques qui vont être en libre service bientôt. D'accord. Quelle est votre question? Alors, j'avais quelques questions. C'est d'abord une belle initiative, madame. Est-ce que vous pensez, vu mes 70 printemps, même si je suis resté jeune, je pourrais les utiliser? Oui, pourquoi vous pensez ne pas pouvoir les utiliser? Je ne sais pas, madame. Ça monte à quelle vitesse? Alors, je ne sais pas du tout. À peu près. Je ne sais pas. Je vais voir si je peux avoir la réponse. Je vais vous faire patienter. Oh, bah non, je patiente depuis 4 minutes déjà, madame. Donc... C'est qu'on a beaucoup d'attentes. Bah, je sais bien, madame. Je n'ai pas la réponse à votre question. Ah, non, mais au moins quelques secondes pour poser Parce la question. Parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, moi encore, ça va, mais bon, j'ai mon épouse qui a le même âge que moi. Il ne faut pas que ça aille plus de 30 km/h maximum. Je vais poser la question Le lifting, un instant. Sinon, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas que ça aille trop vite. vous demandez. D'accord. J'attends. Je pose la question. Merci, madame. Et on est reparti. Lifting. Imagine le lifting, il pète. Non, mais il y a tout qui pète. Nous vous invitons à patienter quelques instants. Un conseiller va vous répondre. Le bulldog. Et si à chaque question que je lui pose, elle va demander, on est dans deux heures. Hein. Demande si on peut faire de la roue arrière. Ils peuvent pas mettre des gens au standard qui ont les réponses. Ça ira plus vite. Il peut y avoir un mec dans les bureaux qui ont les réponses. Ceux qui répondent ne les ont pas. Alors mon butinière, Non, mais parce que je suis quand même en ligne. Depuis tout à l'heure, j'attends. Elle doit juste me dire, chérie, j'ai demandé pour toi à combien ça roule. Depuis tout à l'heure, je lui ai demandé à combien va le vélo. Elle ne me répond pas. J'attends depuis 5 minutes, chérie. C'est pour toi que je demande. C'est pour ton lifting. Le docteur, il a dit pas plus de 30. Monsieur ? Je demande. Et depuis tout à l'heure, elle me fait poireauter. Je suis là, j'attends. Allô ? Monsieur ? Ah, elle est de retour quand même. Allô ? Oui, merci d'avoir TBM. TBM ? Oui, oui, moi aussi, je suis TBM. Oui, alors en fait, la. Je suis même TTBM, oui. C'est plus sur de l'assistance pour que vous fassiez moins de détours. Ah, bah dis donc. D'accord, merci. Est-ce qu'on aura le droit de circuler sur les trottoirs ? Et bien sûr. Est-ce que je peux descendre les escaliers avec ? Les escaliers ? T'inquiète, je maîtrise, cousin. Je maîtrise la descente, c'est pas un problème. Je peux ? Voilà, oui, ben, je suppose que oui. Est-ce que je peux les emmener sur les rampes ? Pour faire un backflip double rotation, on peut ou pas ? C'est ça. Backflip double rotation, c'est une rotation circulaire sur roue avant, avec rétropédalage au niveau de la roue arrière. C'est très technique pour moi, tout ça, bah je ne connais cousin. Pas. Bah oui. Dernière question, est-ce qu'un jour vous pensez faire des déambulibes ? Des déambulateurs en libre-service, vous faites ou pas ? Oh, je ne pense pas, non. Non ? Non. Bon, faites pas d'efforts. Je t'emmène quand faire un backflip double rotation sur le vélo ? Amenez plutôt votre épouse, monsieur. Non, non, il ne faut pas. Ah bah non, là, elle peut être figée, là, c'est le lifting, là, elle ne peut plus rien faire, là. Si je l'emmène là-dessus, ça va tirer derrière les oreilles, c'est fini. Non, tous les deux, je t'emmène, on part un vendredi, à 17h, on fait une petite balade de 2 minutes 30, et voilà, petite balade romantique, au clair de lune, à Bordeaux. Je suis TBM. Bon, il va falloir que je vous laisse, monsieur. Je suis navré parce qu'on a beaucoup d'appels en attente. Faudrait pas faire patienter les autres qui sont derrière. Je suis TBM. J'avais compris. Coquine. Elle est adorable, cette demoiselle. Elle est gentille. Elle est sympa. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Bravo. Elle adore. Oui, oui. Je suis TBM également. C'était pas une blague. Vous êtes adorable, mademoiselle. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Écoutez, merci à vous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire TBM ? Tram et bus de la métropole. Voilà, bah, je vous laisserai regarder sur internet, ça ne veut pas dire que ça. Voilà, vous verrez, ça veut dire pour les gens qui. Ça veut dire autre chose. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse. À bientôt à Bordeaux. Si, si, c'est moi. Si, si, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Je vous embrasse fort. À bientôt, Bordeaux. À bientôt, bonne journée. Bisous, mademoiselle, bisous, à très bientôt. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Sur Énergie. Allô ? Arlette ? Oui, c'est qui ? C'est Arlette, bah devine qui c'est ? Qu'appelle pour dire bonjour, devine qui c'est ? Bah, c'est une voix que je connais, mais alors... Ah bah oui, oh oui, oh oui, oh ah oui. Oui ? Oh bah oui, tu, on se connaît bien, évidemment. Évidemment. Qui c'est qui peut appeler pour dire bonjour ? Oh bah alors là, je sais pas. Hein ? Allez, devine qui c'est ? Devine qui c'est ? Ah bah oui, tu, bah bien sûr qu'on se connaît. Oh. De quel pays ? Bon, de là. De Plémé ? Ben oui. De Plémé ? Oui. Plémé ? Ah oui. Ah, Plémé ? Oui. Ben vas-y, parce que là, je vois pas. Ben, t'as pas trouvé. Cherche. Non, non, mais j'ai beau chercher. Dis-moi la première lettre de ton prénom. Ah ben non, c'est trop facile. Ben non, mais peut-être pas. Ben si, je suis à Plémé. Ah oui, mais il y a plein de gens à Plémé. Ben de... Ah oui, c'est vrai, on n'est pas tout seul. Bon, on n'est pas nombreux non plus, hein. Non, mais là, franchement, j'ai la tête vide, là. Tu vois pas. Loudia. Pas loin de Loudia. Pas loin de Dédé Martin. Oui, c'est Dédé Martin, c'est moi. Eh ben, je ne reconnaissais pas ta voix, dis donc. Oh, bah, c'est les nouveaux téléphones. Ça va ? Oui, ben, ça va mieux, oui. Ah bon, mieux ? Oui, bah, j'ai fait une super chute. Oh là, oui, j'en ai entendu parler, bah évidemment. Non. Mais si. Mais... Pourquoi ? Bah, on me l'a dit. On m'a dit, tiens, il y a Arlette, elle fait une super chute. Ah ben bah, oui, là, ça n'a pas été loupé. Là. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ? Bah, tu sais, Crédit Mutuel, la porte, eh ben, elle était grande ouverte. Après, quand j'ai voulu repasser, bah, c'est refermé. J'ai rien compris. La porte du Crédit Mutuel. Oui. Crédit bah, Mutuel, Crédit Mutuel qui est à côté de... De bah, Boucher, là. Oui, bah, bien sûr, qui est pas loin du Boucher. Ouais, de... et bah, grand ouvert. À côté du PMU. Ouais. Et bah, j'ai voulu passer. Ouais. Doit pas être assez gros, sans doute. Et ben, bah, c'est refermé sur moi. Non. Ah bah, alors, d'une violence. Oh là là. Et ah bah, j'ai valsé, hein. Ah bah, t'es tombé, ils auraient pu te décaisser. Ah bah, évidemment, bah, ça m'a déjà fait très mal quand ça m'a cogné. Bah oui. Bah, évidemment, ça... T'as un bobo, devine où ça tape. Bon, dans la tête. Où ça ? Et voilà, boum. Ah boum, t'as cassé de margoulette. Je me suis cassé la margoulette. Oh là là. Pompier, tout, hein. C'est vrai. Ah oui, j'ai eu le droit à la kério et tout, hein. Ah bon ? Ah bah ah, oui. T'as été à kério direct ? Ah bah oui, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, alors ? Rien, j'avais un super hématome qui s'est déclaré après. À la tête, il y avait... Juste, bah, je me suis entaillé au-dessus de l'œil. Oui, donc rien, quoi. Ouais, et d'accord. Les genoux, bah, bien esquintés, quoi. Donc tout ça pour rien. Voilà, bah, voilà. Un hématome du pied jusqu'à demi-cuisse, noir. Noir, ah oui, quand même. Oh, ah bah, là. J'ai mis 4 semaines à m'en remettre. Oh là là là là, bah, je comprends qu'on en ait parlé, hein. Sale coup, hein, Crédit Mutuel. Hein. Ah là là, eux, ils étaient plus inquiets si j'avais porté plainte. Oh bah oui, mais tu l'as pas fait. Non. Bon, non, t'es pas comme ça. Bon. Non, non, non, non, non. Bon, bah, non. Je vais y aller, hein, parce que. On n'en fera pas un épisode des experts, tout ça, mais c'est bien quand même. Hein. Bah ouais. Hein. Ouais, bon, je t'embrasse. C'est marrant, votre voix me dit rien du tout. Hein. Eh ben, c'est parce qu'on se connaît pas. On se connaît pas. Pas du tout. Moi, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Oh, arrêtez vos conneries. Ah, j'arrête pas mes conneries, je vous assure, avec du public et tout, on se connaît pas. Arlette.

does it ever help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. C'est le best of the Koï sur Énergie. Émilie, Saône-et-Loire, oui. Tu veux qu'on le dise comment à ton mec que c'est toi qui as pris le PV? Tu veux qu'on lui dise bonjour? Bah, à la bordasse. Bonjour, je suis... C'est ta femme. Et tu raccroches. À demain. Tu vois, est-ce que je dis bonjour, je suis Koï, il y a un souci? Est-ce que tu veux qu'on joue un personnage? Ouais, parce que la pile passe bien, quoi. Tu t'y prends comme tu le sens, mais je sens que je vais m'en prendre plein la tête. Il lui reste combien de points? Bah là, en fait, je me demande s'il lui en reste, en fait. C'est ça le truc, c'est que je ne sais pas trop. On va l'appeler. Non, très sincèrement, je suis même pas sûre. Ou alors, s'il en reste, c'est pas beaucoup. Effectivement, il va bien le prendre. Tu te fais passer pour quelqu'un ou... Non. Non, bah non. Okay. Oh non, on va gagner du temps. Puis après, vite, il y a l'artiste qui attend. Allô ? Oui ! Louis ? Oui ? Comment ça va, Louis ? Ça va bien. Ça va bien ? Moi, c'est Koï. Moi, c'est Koï. On est sur Énergie. Ça va, Louis ? Sébastien Koï. Ah, oh, Sébastien Koï lui-même. Je suis avec. Bonjour. Bonjour, je suis avec. Tu vas moins rigoler. Je suis avec. Profite. Je suis avec Émilie. Enfin, je suis pas avec là. Je suis pas avec Émilie réellement. Elle est au téléphone, Émilie. Voilà. Émilie, ton chéri. Voilà. Vous pouvez vous parler. Émilie. Oui, Louis. Oui. Oui, ça va. Oui, mais oui. C'est quoi l'histoire? Écoute, il y a Koï qui a un truc à te dire. Ah bah non. Oui, j'ai quelque chose à dire, peut-être. Nous posions une question, Louis. Combien as-tu de points sur ton permis encore? Plus beaucoup, malheureusement. Je me suis encore fait flasher la semaine dernière. Oh, c'est ballot. Alors attends, je vais faire un truc. Émilie, là, oui, on ne parle pas de celui de la semaine dernière. Si. Ah non, ça va pas être. Pas trop, non. C'est pas celui-là, c'en est un nouveau. Ah, alors, donc, tu t'es fait flasher la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, en ayant fait une petite simulation, tu penses que t'es à combien de points? Je pense que malheureusement, je vais devoir passer un stage, hein, parce que je dois être pas loin des 4, mais peut-être un peu moins que de 4. Et bah, peut-être même un peu moins que moi, alors. Parce qu'il est en négatif, il a moins 4. Non. T'as découvert, là. Alors, le dernier excès de vitesse, c'était quand? Ça devait être... Attends, je parle à ton chéri. Attends. Vous êtes pardon. Oui, Louis. Lundi de la semaine dernière, je crois. Eh bien, visiblement, il y a de la nouveauté. Voilà. Ouais. Non. Ouais, bah, j'ai pris la voiture, Louis, et je me suis refait flasher fin de semaine dernière. Je suis désolée. Mais c'est pas deux fois dans la semaine. Le grand gagnant de la semaine. Mais j'arrive pas à perdre la vitesse, en plus depuis qu'ils ont baissé à 80, j'y arrive pas. Je le vois en plus qu'il passe régulièrement devant, mais j'y arrive pas. Émilie, je t'ai déjà montré un truc. Il y a la fonction régulateur-limiteur sur la voiture. Oui, c'est vrai. Tu mets le limiteur. Ouais, mais je sais pas m'en servir, ça sert à rien. C'est un bouton appuyé. Il y a deux boutons appuyés, quoi. Après, t'es tranquille, tu peux pas les passer, t'es tranquille. Ouais, mais j'y pense pas. Et puis dans ma tête, c'est 90 et bim, voilà. Ah non. À force de. Elle va falloir s'y faire. Hein. Ouais. De toute façon, 80, maintenant, on est parti pour. Hein. Ils vont pas revenir en arrière. Mais enfin, c'est pas le sujet. Il va falloir s'y faire toi aussi. Et t'as dépassé. Mais t'as dépassé de beaucoup. Enfin, on va se. C'est quand? C'est vendredi que tu vas faire. Donc, on a pas encore reçu le courrier. Donc là, ben, oui, voilà. Là, je vais être alors, en négatif ou. Apparemment, ça se mesure en vitesse lumière. Petit gars. Non, t'étais à combien? Ben moi, mon compteur à moi, je devais être à 95, mais il me semble qu'ils en enlèvent 5, quelque chose comme mais ça. Ah, ils en enlèvent. Ah, ouais. Trop, non ouais, 80, ouais. Bon, à mon avis, t'es à 2 points. Louis, il t'en reste 2. Ben, j'espère, parce que sinon, moi je rentre pas là. Hein. Si, à pied. J'ai plus de points. Bah ben, ouais, je suis pas là. Oui, ouais, c'est vrai, en plus, il doit prendre la voiture pour rentrer. Ben, rentre avant de recevoir la prime. Vite, rentre avant le facteur. Dépêche-toi. C'est la course. Je te fais un gros bisou, elle se sent mieux maintenant. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Tant qu'on passe à pleurer, ça m'encèle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Le concours de Miss et Mister Moule. Et pourquoi pas, c'est dans le bar, le garçon ou la fille qui mettront le plus d'ambiance seront élus. Voilà. Miss ou Mister Moule. Oh, ça c'est bien. Marrant. Alors à la limite, j'ai envie de dire Mister Moule, ça fait con, mais ça passe. Oui. Mais Miss Moule. Miss Moule, ouais. Non, j'avoue. Non, j'avoue. Miss Moule, faut l'assumer avec l'écharpe là. Ah ouais. Je peux Miss Moule 2018. Je peux rentrer dans le club. Je sais pas qui vous êtes. Hey, Miss Moule. Miss Moule. Ah, pardon. Ouais. Entrez. On appelle le bar quand même. Je. Parce que, attends. Oui. On peut participer. Tu fais une histoire. J'aimerais bien, oui. On peut gagner un McDo. Les critères campagne. Surtout. Bien sûr que l'ambiance. Allô, l'allô, le bar. Oui. Bonjour. C'est Koé. On est sur Énergie. Comment ça va? Ça va et toi? Je veux être Mister Moule. Je veux être Mister Moule. Oui. Oui. Écoute, il y a un peu de problème parce qu'en fait, on est plus que complet. Aïe, ah, ça cartonne, ça mais cartonne. Ça, ah oui, mais c'est le succès, c'est l'ambiance du Nord. Ah oui, ça. Ouais, t'as vu ça un petit peu? Alors, ça, on c'est est... la boule, c'est la frite, c'est la fête. Ah, ne tue pas toutes les bonnes idées. Mister Frite, tu le feras à Noël. Voilà. Oh, pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup. Et après, tu feras Mister Jus et Légumes. Vas-y, à ça dans les moules. Mister Maroilles. Qu'est-ce, ouais. Qu'est-ce qu'il faut être pour être Mister Moule ou Miss Moule? Ou Miss Moule. Miss Moule. Ah, ou Miss Moule. Ça fait un peu bizarre à dire. Hein. Ah, c'est ouais. Très bizarre, même. Et à porter, je t'imagine pas. Alors, en gros, ce qu'il faut être, c'est vraiment fun. Ce qu'on cherche, c'est pas Merci. La beauté, c'est pas les critères de Miss France ou de Miss, Miss ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un de fun, de énergie, de, qui fait la fête, voilà, tout à fait. Qui fait la fête, qui fout le bordel dans le bar et qui, en gros, est déguisé dans les années 80-90, qui est le thème de notre soirée, qui est le thème du bar, pardon. Ah, même pas d'accord, voilà. Très bien. Donc, nous, on est vraiment axé là-dessus. Et en fait, notre le rapport avec la boule. C'est vraiment ça, quoi. Comme dit Jeff, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de se déguiser, il est déjà habillé années 90. Ah ben, je suis rien, je suis pas beau, années 90, tout ce qu'il a demandé. Question de Stouff, quel rapport avec la moule? Bah, parce que on est dans le Nord, non, c'est ça? Voilà, ah oui. Parce qu'en fait, c'est la braderie, boule frite, ah oui, et voilà. Et donc, en fait, si tu veux, comme il y a deux ans, ils ont rétréci un peu le périmètre de braderie, nous qui sommes excentrés dans le Vieux-Lille, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour amener du monde vers chez nous. Vous avez raison. Et on a dit, et voilà, on fait l'élection, et voilà, et ça va marcher. Et bah, tu sais quoi? Et en plus, une fois n'est pas coutume, il va faire très beau ce week-end à Lille. Oui, oui, oui, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Donc, demain, grosse terrasse et grosse fiesta à l'intérieur. Pour et le tas de moules? Pour l'élection. Et le tas de moules. Oui, parce que tu connais pas Miko. Non. On mange des moules. Oui. Et en fait, après, on met le gros tas de moules devant les restaurants. Et tous les restaurants ont des tas de moules. D'accord. Voilà. Et le plus gros tas de moules gagne aussi. D'accord. Bon, t'as une question ? Oui, est-ce qu'il y a l'écharpe ? Est-ce qu'il y a une écharpe de prévu ? Est-ce qu'il y a une écharpe Miss Moule ? Alors, on a écharpe Miss Moule Color, donc 2018, pardon. Ça va être et Mister Moule également. On a la couronne, le sceptre. On a le sceptre. Et on a la petite boule d'or également. La boule d'or ! Ah, écoute, c'est énorme. On a fait vraiment les choses comme il le fallait, avec le tapis rouge, la poursuite, la totale. Avec la Geneviève presque de Fontenay. Enfin, voilà. Allez, gros bisous, génial, les gars, c'est le Color Bar. Allez, on vous embrasse. Bon courage. 17h-20h, c'est le Best of the Koé sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Could keep it tight every day, and I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Le meilleur de Koé, c'est maintenant. Koé. 17h-20h, c'est le best of de Koé sur Énergie. Nous avons Pascal qui a 27 ans, qui habite en Ariège. Ça va, Pascal? Ouais, salut Koé, salut toute l'équipe. Salut mon ami. Salut. Pascal, tu vas nous balancer ton copain qui fait quoi? Il gruge un peu dans les magasins, tu sais, au rayon légumes, fruits et légumes. C'est pas, ça peut paraître un peu minime, mais tu sais, les champignons qui coûtent demi-testicule, là, le kilo, comme les cèpes et tout ça, là. Ouais. Et il prend 3-4 kilos et il fait passer pour des navets ou des carottes. Il fait la technique de tenir le sac. Moi, je l'ai déjà fait. Je devrais pas le dire. Tu te prends le sac, tu sais, c'est un peu lourd, et puis tu soulèves un peu le sac. Ah oui. Puis t'attends, puis hop, tu payes moins de. Tu fais pas ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, mais tu le laisses ouvert, tu colles ton étiquette sur le côté, tu repasses dans le rayon, t'en mets dedans et tu fermes. Oh, tu le fais. Elle a la technique. Ils applaudissent. Ils applaudissent en plus. N'applaudissez pas, c'est pas bien. C'est moche. N'encouragez pas. C'est du vol. Bon, comment s'appelle ton pote? Il s'appelle Jordan. Je serai Bernard Margentin, responsable de la sécurité. C'est que ce nom. Bernard Margentin, j'ai le droit de m'appeler Bernard Margentin. Oui, c'est responsable vrai. De la sécurité. Où est l'hypermarché? C'est à Roque-sur-Garonne. À Roque-sur-Garonne, on est parti. Tu préfères pas t'appeler Bernard Vénère? Non, m'embrouillez pas. On y va. C'est mieux. On va voir s'il reconnaît les faits. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Jordan. Oui. Bonjour, Bernard Margentin, responsable de la sécurité de l'hypermarché de Roque-sur-Garonne à l'appareil. Oui, bonjour. Bon, monsieur, vous êtes client chez nous? Oui. Voilà, client régulier, il me semble. Oui. Les samedis matins, régulièrement? Oui, je viens demain matin, justement. Comment? Je viens demain matin. Vous venez demain matin, très bien. Ça tombe bien que vous veniez, parce qu'il faut qu'on parle. Vous aimez bien nos champignons, monsieur? Oui, rayon frais, oui, ils sont jolis, ouais. Ils sont pas chers. Non. Vous voyez où je veux en venir? Absolument pas. Monsieur, ça fait 6 mois qu'on vous surveille, monsieur. Vous surveillez de quoi? Monsieur, vous prenez des champignons, cèpes ou autres girolles, pardon. Vous les mettez sur la balance, vous les faites passer pour des champignons de Paris à 7 euros le kilo. Non. Monsieur, j'ai la vidéo, monsieur. Écoutez, on va pas en parler. Milan, j'ai la vidéo. 23 euros de différence par kilo par semaine, 6 fois 4, je vous laisse faire le calcul, ça nous fait une facture de 552 euros. 552 euros pour 550... des champignons. Monsieur, ça fait des semaines que vous faites ça, monsieur. Mais 550 euros pour des champignons. Monsieur, ça fait des semaines que vous le faites, on va gagner du temps, dites oui. Mais non, même au plein de cours, je ne mets pas 550 euros. Comment monsieur, c'est un calcul. Monsieur, vous grugez le magasin. Vous le faites régulièrement, vous pouvez le dire. Je l'ai fait deux ou trois fois, mais pas que je l'ai fait pendant 6 mois, c'est pas monsieur, vrai. Vous l'avez fait plus de deux ou trois fois, monsieur. Monsieur, à cause de votre arnaque, on doit changer tout le système de bascule. Coût de production, 18 000 euros. Je vous laisse faire le calcul, ça nous fait 18 552 euros. Monsieur, on fait comment? On fait comment? Je vous ai pas pris 100 kilos de champignons. Monsieur, c'est pas le problème. Monsieur, une petite arnaque emmène une autre arnaque, monsieur. Alors on fait quoi? Monsieur, je pourrais vous balancer la police. Vol à l'étalage régulier avec intention de nuire, c'est une somme à plus de supérieure à 15 000 euros. Ça peut vous envoyer en prison pour 6 mois, monsieur, c'est à vous de voir. 15 000 euros, mais vous rigolez, 15 000 euros, c'est le risque. Monsieur, c'est le risque, c'est pas mon problème, monsieur. Fallait pas jouer avec ça, monsieur. Nous avons les images. Problème. Et votre problème, c'est de faire chier les gens en vendeur? Monsieur, je fais mon travail, monsieur. Ouais, je comprends bien. Donc il suffit que vous reconnaissiez déjà que oui, vous l'avez fait. Et je peux passer l'éponge. Et c'est quoi? Vous me dites que oui, vous l'avez fait, je passe l'éponge. Moi, bon, je l'ai fait quelques fois. Voilà. Vous l'avez fait. Quelques fois. Combien de fois, monsieur? J'ai pas volé 100 kilos de champignons. Monsieur, je n'ai pas dit que vous avez volé 100 kilos de champignons, monsieur. Je dis que vous avez arnaqué le magasin, monsieur. Et de toute façon, je me doute que si vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone, vous connaissez comment je m'appelle, c'est que vous avez déjà mené l'enquête. Donc, j'ai tout, monsieur. J'ai tout, monsieur. Monsieur, en un claquement de doigts, je peux vous faire rejoindre Caris et Booba, monsieur. En un claquement de doigts. Caris et Booba, non, je ne ris pas, monsieur. Ça vous fait rire, moi, ça ne me fait pas rien. Monsieur, alors, monsieur, je ferme les yeux si vous me jurez de ne pas recommencer. Non, ben non, je ne recommencerai pas. Jurez-moi de ne pas recommencer. Eh bien, je vous jure, je ne recommencerai pas. Sur la tête d'Edouard Leclerc. Edouard Leclerc, c'est qui ça? C'est le patron. Sur la tête d'Edouard Leclerc. Eh bien, sur la tête de qui vous voulez, Edouard Leclerc. Sur la tête d'Edouard Leclerc, très bien. Sur la tête de Jean-Michel Carrefour. Jean-Michel Carrefour, c'est qui? De Bernard Supéru. Sur la tête de Bernard Supéru. Sur la tête de Bernard Supéru. Sur la tête de Kevin Lidl. Kevin Lidl. Mais vous allez tous me les faire comme ça? Oui, c'est bon, bah en même temps, il a volé des champignons. T'as oublié ED l'épicier. Il a volé des champignons. Et Martin Franprix. On l'a pas fait, celui-là, Pascal. Les champignons, c'est pas vous qui les prenez, c'est Jordan, les champignons. Jordan. T'énerve pas, je m'appelle Coé, on est sur énergie, tout va bien. Bravo, j'ai entendu un petit bande de bâtards. J'ai entendu. Allons-nous terminer cette émission par un bande de bâtards? C'est Jean-Michel, oui. 17h-20h, c'est Coé sur énergie. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here. So come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough? My body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Le meilleur de Coé revient dans 5 minutes sur Énergie. Énergie.

garder le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. Koé, 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Salut Koé, salut l'équipe. Salut, salut Quentin. Salut, salut mon Quentin. Tu habites où? J'habite à Lorient. D'accord. Est-ce que la vie est belle? Ouais, grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon? Il fait super beau aujourd'hui. Ah bah profite. Qu'est-ce que tu vas faire à Lorient ce week-end? Oh, je pense que je vais sortir, hein. On va voir les petits verres qui continuent à faire beau comme ça. Voilà, on va voir des petits verres. Et après, quand je dis que l'info qui vient de tomber, c'est que les Bretons sont les plus alcooliques de France, les mecs de l'équipe me regardent en disant c'est exagéré. C'est exagéré. C'est cliché. Le gars, je lui dis tu vas faire quoi? On va aller boire des petits verres. Voilà. Ah, la Bretagne, donc numéro 1 niveau de l'alcoolisme. Non, monsieur. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais ouais, non, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est les chiffres. Hein. Bon, on se dit, la Picardie, on doit pas être loin. Alors, raconte-moi un petit peu. Nous, on va essayer de te filer un coup de main. C'est le Coïs en charge. Raconte-moi l'histoire. Donc, en fait, j'ai mon meilleur pote, Yann, parce qu'on est de toute petite. Et le truc. Je t'entends vraiment pas bien. T'as quoi comme téléphone? T'as un kit main libre? T'as un truc? Non, c'est normal. Ok. Oui, je te le souhaite d'être normal, mais ton téléphone, il est normal, lui, ou pas? Je le colle trop, je crois. Mais tu le colles trop, tu le colles loin. T'es sûr? T'es collé contre le téléphone, là? Ah oui, collé. Ah bah voilà, décolle-toi un tout petit décolle-toi peu. Décolle-toi un petit peu. C'est quoi comme téléphone? Un iPhone 7. Bah. Excuse-nous. Pas une bonne pub, là, que tu viens de faire pour l'iPhone 7. Bon, alors, donc, tu es ton meilleur ami. Que se passe-t-il? Et du coup, que je connais depuis tout petit. Et puis, du coup, le problème, c'est que je connais aussi sa petite sœur depuis tout petit, du coup. Et sauf que depuis 6 mois, je sors avec sa petite sœur, en fait. Tu sors avec sa petite sœur. Je n'ai pas encore annoncé, quoi. Enfin, je ne sais pas comment faire pour l'annoncer. Ouh là là là là. Ah, il est jaloux. Non, mais c'est surtout, excuse-moi, je voudrais un détail. Quel est l'âge de la petite sœur? Ah, elle a 2 ans de moins que moi, donc elle a 20 ans. D'accord, non. Ouais, j'ai eu peur. Non, non, mais voilà. Donc, parce que voilà, j'ai eu un peu peur de ça. Ah, écoute, elle a 13 ans, j'en ai 24, tout va bien. Non, non, voilà. Donc dans ce cas-là, ça va. Mais tu penses qu'il va le prendre comment? Bah mal, hein. Pas sûr. Mal, dès que ce soit, enfin, moi ou un autre gars de. Un gars de pote, dès qu'on parle de ta sœur, il va ouais, personne n'a touché. Attends, on a quelqu'un qui est en train de vivre difficilement ce passage dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a, Miko? Non, je le vis pas mal, je le comprends. Miko, tu as une sœur? J'ai une sœur, et j'ai des copains qui m'ont dit. Elle est très belle. Alors, tu as des copains qui t'ont déjà dit, j'aimerais bien sortir avec ta sœur. Ouais. Et. Bah, tu choisis, soit t'es mon copain, soit t'es copain de ma sœur, mais ça peut pas être les deux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas possible. Moi, mes potes, c'est des gars avec qui je raconte des conneries, un peu cul, tout ça. Ah, je peux pas imaginer mais que. Je le comprends, franchement. Ouais, mais alors, s'il tombe amoureux. Et l'exemple, là, on parle de l'exemple de se taper sa sœur, ça peut être moche. Mais l'exemple d'un gars qui tombe amoureux, c'est les sentiments. L'amour est plus fort que tout. Roméo et Juliette, très bon truc. les capulets, faut pas que ce soit mon ami. Mais d'accord. Mais imagine, c'est ton ami, c'est le cas de Quentin. C'est son ami s'appelle Yann, on va l'appeler dans 2 secondes. C'est son ami. Mm-hmm. Et il est follement tombé amoureux. T'es tombé amoureux, c'est pas un plan cul. Quentin. Ouais. C'est pas un plan cul. Ah bah non, pas du tout. T'es amoureux. Ah bah oui. Alors, Miko, fais un transfert. Un de tes meilleurs amis te dit je suis très attaché à ta sœur. Eh ben, va avec ma sœur, mais à ce moment-là, ça n'est plus mon ami. Donc ça veut dire que tu t'entends pas avec ton beau-frère? Si, parce que je le connaissais pas avant. C'était pas un ami à moi. Pas un ami. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, je le connaissais pas avant. Ah. Ouais, ça paraît fou ce que tu penses. Non, oui. Je te comprends. C'est vrai? Non, je sais pas. J'ai pas de sœur, je m'en rends pas compte. Je ne peux pas imaginer. Moi, ça me dérangerait pas. Je me rends pas compte. Non, tu te rends pas compte. Non. C'est bizarre. Non. Ouais. Vous croyez que ça me gênerait si j'avais une sœur? Oui. Ah oui? Oui. Oh bon. Bah, t'imagines si en plus ton pote il te raconte des trucs avec ça. Mais oui, c'est ça. Voilà. Le truc qui se passe entre les deux. Ah ouais. Bah, après. Ah non, là, non, là si. Ça va trop loin. Si t'es un minimum intelligent, tu racontes rien. En théorie, oui. En même temps, si c'est ton pote qu'il est un minimum sensé, il vient pas dire ah, je vais tout te raconter ce que j'ai fait à ta sœur hier. Ouais, mais ça, en théorie, s'il est un peu normal, il le fait pas. Ouais, mais c'est deux potes, ça parle de cul. Voilà, oui, mais pas c'est de, ce c'est que je disais. De cul, oui, mais pas de celui de sa sœur. C'est ça. Voilà. C'est là la limite. Il y a des exceptions. Tu penses qu'il peut réagir comment, Yann? Mal. Je pense qu'il va très mal réagir. Non, mais je peux répondre à sa place. Il va mal réagir. On n'appelle pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler dans 3 minutes. Trop tard, il l'a déjà lancé, donc on va le faire tout de suite. Alors, ce qu'on va faire. T'es un TGV, toi. T'as un pouvoir. Allô? Allô? Oui, Yann? Ouais. Oui, salut, je me présente moi ou... Salut. Bah oui, oui. Salut Yann, bah écoute, je m'appelle Koé, enchanté, on est sur Énergie, comment ça va Yann? C'est Koé, vraiment le vrai Koé? Eh ouais, ouais, ouais, ça va, t'es en forme? Ouais, carrément, attends deux secondes, parce que je vais en conduire, je vais juste mettre ma voiture sur le côté. Ah ouais, fais pas d'accident, vaut mieux que tu te gares maintenant, ouais, ouais. C'est mieux. C'est mieux, c'est jamais ouais. Un accident, il vite oui, arrivé. Okay. Bah, je te présente toute l'équipe, il y a Jeff, il y a Stouf, il y a Miko qui est là. Oh, salut, c'est vraiment cool, ok. Ouais, il y a tout le monde, voilà, et puis on discutait avec Quentin, qui est un de tes potes, qui disait, tiens, il faudrait qu'on appelle mon meilleur ami, parce que Yann, d'accord. Je l'aime beaucoup, d'accord. Et donc on s'est dit, on appelle Yann. Tiens Quentin, vas-y, dis bonjour à Yann. Salut Yann. Oh Quentin, un peu quoi? Par la forme ou quoi? Ouais, nickel. Voilà, ces banalités étant échangées. Yann, ça, c'est fait. Alors Yann, bon, alors. Alors Yann, bon. Je suis chargé d'un message, Yann. Ok. Alors, on va, petite musique suspense. D'après toi, quel est le petit message que je peux t'annoncer? Il va rire. Mais concernant quoi? Alors voilà, je te laisse imaginer. Voilà, qu'est-ce que je pourrais t'appeler d'après toi, pourquoi? Et puis je vais te dire si t'es chaud, froid, tu vois, je vais te guider. Un message de Quentin. Mm-hmm. Oui, ça a rapport avec Quentin. Mais alors, il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire quand on était petit. Ou un délire comme ça. Non, c'est actuel. C'est actuel. Actuel. Ok. Bah, franchement, je ne pense pas. On s'est vu hier. Franchement, je ne vois pas. Et tu as dit? Il ne voit pas. Non. Là, je vois. Franchement, je ne vois pas. Alors, je vais te donner un indice. Ok. Je te laisserai regrouper les éléments plus tard. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas toucher autour de toi? Ma voiture. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est sacré? Mon téléphone, ma montre. Oui, téléphone, montre, bien ma sûr. Ma voiture, je m'en tape, je sais pas. Et s'il ne faut pas toucher, ça veut dire quoi toucher? Alors donc, ta montre, t'as dit ton téléphone, t'as dit la voiture, tu t'en tapes. En personne? En personne? Ma famille. Plus précisément. Mes enfants, ma mère, ma soeur. Ta soeur qui s'appelle Sophie. Alors donc, voilà, on va donc réunir les éléments. Donc, Quentin, la voiture, tu t'en tapes, Sophie. Okay. Quentin, enlève la voiture, t'en tapes, okay. Sophie. Quentin, non. Hop, Sophie. Non, mais là, Quentin, la voiture, je m'en tape. Quentin, ma soeur, et alors quoi? Bingo! Ouais, bingo quoi? Bingo. Bingo. Hop, petite musique de joie. C'est tout. Voilà. Okay. Alors bon. Quentin, le message est passé. Le message est passé avec subtilité. Ok, ouais, mais quel message en fait, Quentin, ma soeur, et alors? D'après toi. Je te laisse réfléchir encore quelques secondes. Déjà, il y a des choses qui se passent pas, donc, si je dis l'amour est plus fort que tout. L'amour, quand on n'a pas le même âge déjà, je vois pas le délire. Oh, pas le même âge. Puis, quel âge de, ils ont 2 ans d'écart. 12. Quel 2 ans? 12. Il a 20 piges, elle a 17 piges. 3. Ah, exactement, les âges qu'il nous avait dit. Oui, c'est un peu arnaqué. Quel message? Il avait un peu. Vous avez... bon, débrouillez-vous, les gars. Vous n'avez pas dit ça comme âge. Donc c'est vrai que. Ah oui, il a dit quoi? Ouf. Elle a 17 ans. De toute façon, même si elle avait 30 ans, non, bah les couilles. C'est quoi le message en fait? 17 ans et demi. Ouais, 17 ans, alors je m'en bats les couilles. 17 ans quoi? Non, mais c'est quoi? Ok, ma soeur Quentin. Il est où Quentin? Il est au téléphone? Bah, elle nous engueule pas, c'est pas nous. On a juste les messagers. On se tape pas ta soeur, hein, ça va. Ça veut dire quoi? Et alors quoi? Non, mais. Tu sais, Yann? Ah oui, merde. Tu as bien fait de te garer. Ok, ouais, très bien. Il se trouve voiture, que. Là, parce que j'ai chaud là. Vous... Quentin, ah, oui, ça, c'est à Lorient, il fait chaud, canicule. Quentin, il se trouve, ouais, est amoureux de Sophie. Ah voilà. Mais vraiment. C'est de l'amour. Il est où Quentin là? Allô. Le téléphone. Il vient de migrer vers l'hémisphère sud. Il change actuellement de visage. Mais je m'en bats les couilles. Il est amoureux, c'est quoi? C'est une blague. Ouais, oui, ok, très bien. Non, c'est important l'amour. Quentin. Oui. Mais vas-y Quentin, t'es sérieux là? Non, mais allô, ça fait 6 mois, et voilà, je suis tombé amoureux de ta sœur, et voilà, quoi, maintenant, il va falloir que tu vives avec, quoi. Maintenant, je vais venir te voir, toi, on va discuter, toi. Non, mais vous êtes amis, à la base. Ils vont devenir beaux-frères. Mais vous donnez chaud, là. Ça rapproche les liens. Yann, est-ce qu'un ami qui devient beau-frère, n'est-ce pas le rêve ? Il n'y a pas d'ami, je vais lui niquer ta race. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas des liens d'amitié. Oui, mais s'il est amoureux, est-ce que tu préfères pas que ta sœur... Bah vas-y, je m'en bats les couilles. Oui, écoute bien, je sais que tu t'en battras après. Est-ce que c'est pas mieux que ta sœur soit entre les mains d'un ami fidèle, quelqu'un que tu connais, que n'importe qui? Vas-y, ma sœur, elle va avec personne, elle m'en bats les couilles. Ah, bah elle a une vie quand même, elle est pas non plus... Ouais, bah elle a une vie, mais elle va pas avec mes potes, elle est sérieuse, elle, mais elle, je vais la... Alors non, oui, donc tu peux pas... Oui, oui, vas-y, qu'elle aille faire sa vie avec des mecs que je connais pas, avec des amis. Oui, mais est-ce que tu préfères qu'elle aille avec quelqu'un qu'elle connaît pas, quitte à ce que le gars soit pas bien? Vas-y, lui en plus, mais vas-y, c'est un dégueulasse. On n'avait pas cet élément non plus. On n'avait pas cet élément de détail de l'enquête. Alors, moi, j'ai les éléments, je connais tout pour les filles. Rien à lui, il va faire quoi avec ma soeur? Non, mais il est amoureux. Non, hein, mais il est amoureux. C'est de l'amour. Moi aussi, je suis amoureux. Non, mais ils ont encore rien fait. Hein, ils ont encore rien fait. Hein, Quentin? J'espère bien encore. Quentin, vous avez rien fait. Non, c'est sûr. Non, parce que tu m'étonnes, toi, depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Non, mais en vrai, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous êtes vraiment ensemble là ou t'es amoureux? Quoi? Non, on est ensemble depuis 6 mois. Mais il a rien fait. Depuis 6 mois. Et elle me dit elle. Mais il a rien il fait. Il a rien fait depuis 6 mois, lui. Allô là, vas-y. Il connaît son pote quand même. Ah, c'est quoi, ça va pas se passer. Si c'est vrai, franchement, j'espère que c'est une blague. Si c'est vrai, franchement, c'est pas marrant. Franchement. Ah bah c'est pas censé être marrant, il est amoureux. Non mais quel marrant, non mais franchement, mais il est obligé d'appeler Koé en plus, il peut pas faire, mais. Mais il avait peur de ta réaction. Bah, il a à juste titre. Il est sérieux, lui. Voilà. Peut-être pas aller boire des verres ce week-end. Ouais, vas-y, on va voir. On tout ce qui les intéresse. On va peut-être pas aller voir. Allez, mais t'es avec moi, tu vas boire des verres, t'inquiète pas. Alors, non, Yann, on va te laisser. Yann, on va te laisser te reposer comme une petite pâte à crêpes. Parce que là, je pense que t'es un peu énervé. Ils n'ont rien fait, c'est pas si grave. Ta sœur, elle a le droit de choisir ses chéris. C'est pas non plus une différence colossale, 17 ans et demi, 20 ans. Voilà. Ouais, d'accord. Et toi, ta sœur, on peut la baiser aussi. Alors non. Il a pas de sœur déjà. Alors, déjà, on parle pas comme ça de ma sœur qui n'existe pas. Respecte ma sœur. Je te demande de demander de respecter ma sœur qui n'existe pas. Mais pourquoi? Alors, excuse-moi. Là, je vais. Non mais Yann, on va conclure. Je vais juste monter d'un cran. Juste pour dire, pourquoi tout de suite baiser? Oui. Il a rien fait, non, il est amoureux. Ça, la finalité dans sa tête à lui, c'est ça. Mais quel attends, Yann, la finalité dans la vie de ta sœur, ce sera à un moment donné de faire l'amour avec un garçon. Pardon de te faire un choc, mais. Très bien, mais pas avec un dalleux, avec un porc comme ça. Alors là, c'est un problème. Ils sont bien tes potes, Quentin. Voilà, mais tu choisis bien tes amis, donc t'as un. Oui, alors ça, je ne sais pas ce qui. Voilà, on va vous laisser entre vous. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est sérieux en plus, là. C'est vrai, c'est une vraie histoire. Oui. Ouais. Vas-y. Très bien, allez, salut. Il y a un mieux vers la fin. Il y a du positif. J'ai été soft, hein. Il y a du positif. On a eu une formule de politesse à la fin. Il y a du positif. On a gardé le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. Koé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit, sois pas naïf. Non, méfie-toi de tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux, je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. Best of the Koï sur Énergie. Bonjour Koï, bonjour toute l'équipe. Bonjour Fab. Fab, est-ce que tu as entendu que 50 000 euros ont été gagnés tout à l'heure par une maman, hein, c'est une maman. Oui, oui. Jeune maman du côté de Rennes. 50 000 euros. Tu aurais fait quoi avec 50 000 euros? Avec 50 000 euros, je serais parti en lune de miel. Parce que j'ai pas eu la chance d'en faire une, donc je serais parti en lune de miel. Oh, ça sert à rien de me faire la pitié, j'ai plus d'argent. Hein. On n'a plus rien. On revient demain avec les 10 000. Hein. Là, attends, et puis Manu, double salaire demain, mais entre les deux, on ferme la boutique. Sinon, vous allez mettre le patron en PLS, déjà qui est pas bien, là. Non, mais c'est vrai, t'as pas eu l'argent pour faire la noce. Non, justement, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, bah raconte. Ben en fait voilà, il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai fait mon coming out auprès de ma famille. Donc t'aimes les garçons? Absolument. Est-ce que ta famille pensait que t'étais... Non, je l'ai jamais montré. J'ai pas fini, hein. C'est ce que je vais dire. Non. Non, je veux dire, est-ce que ta famille, tu as fait croire à ta famille que t'étais hétéro? Hétéro, ouais. Voilà, c'est ça. Et les parents se disaient, oh, ils nous ramènent pas de copines. Est-ce que genre ils te chambraient avec ça en disant, alors tu nous ramènes quand une fiancée ou un truc comme ça? Alors j'avais des amis filles qui venaient à la maison parfois pour ne rien laisser présager, mais après non, je leur disais que je voulais pas me poser, que je me sentais pas prêt pour le mentement, je voulais profiter de ma jeunesse. Et quel âge tu as sans indiscrétion? J'ai 36 ans. 36 ans. Ouais. Mais alors t'as menti combien de temps? Enfin, en tout cas tu ne l'as pas dit pendant combien de temps? Ouais, en fait, à partir de l'adolescence à peu près, j'ai senti que voilà, j'étais plus attiré pour les garçons, donc j'ai menti à peu près 15 ans quoi. D'accord. Donc, et tu l'as dit à tes parents quand? Ouais. Je leur ai dit justement le repas du 1er janvier, le midi. Mais de quelle année? On est en 2018, en 2015, c'était. Ah ouais. Bonne année. Donc oui, mais t'avais quoi, 33 ans alors? Ouais. Ah ouais. Et alors comment? Alors je vais. C'est terrible, hein. Je vais poser la question parce que il y en a peut-être beaucoup qui nous écoutent, qui sont comme toi et qui se disent un jour, je vais devoir le dire à mes parents. Comment on le dit? Comment on le dit? On fait une blague, on dit tiens. Entre le plat et le dessert, moi personnellement, c'est entre le plat et le dessert. C'est important. Alors pour les jeunes qui m'écoutaient, entre le plat et le dessert. Oui. Tapez pas au milieu des hors-d'œuvre, pas au début. Non. Ni l'apéro. Pas à froid. Ça s'est super mal passé, donc faut peut-être le faire à un autre moment justement. Ah, mais tu l'as dit comment? Tu l'as dit comment aussi? En fait, je leur ai dit, je fais maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, clairement, j'ai été direct, je leur ai dit, je suis homosexuel. Voilà. Et j'aime quelqu'un, il y a quelqu'un dans ma vie. Oh, la bonne blague, allez, repasse-moi du fromage. Et oui, alors ils ont dit quoi? Mon père a souri, il pensait que c'était une bêtise. Ouais. Ma mère, je pense qu'elle s'en était un petit peu rendue compte. Ah, les mamans, elles ont un détecteur, les mamans. Bien sûr. Et alors, mais ça a donné quoi? Ils ont dit quoi? Mon père a arrêté de parler après, une fois que je lui ai dit que c'était vrai. Et il reparle maintenant ou... Non, toujours pas. Ou il est toujours bloqué? Alors, en fait, mon père a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos de la famille. Et il y en a quelques-unes qui sont restées proches, heureusement qu'ils étaient là. Pas de vanne. Mais beaucoup de personnes m'ont tourné le dos. Depuis, je me suis marié, je suis heureux. Il y a quelques personnes qui sont revenues vers moi. Ça se passe beaucoup mieux, heureusement. Et j'espère qu'avec mon père, ça va s'arranger. Mais attends, si ton père, il voit que t'es heureux, si t'es marié, il est venu à ton mariage ? Non, du tout. Ah ouais. C'est dur, vachement dur. Ça, c'est... Et tu l'avais invité, évidemment, tu l'avais invité, tu avais dû dire s'il te plaît, viens. Et il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu, non. Et la maman, elle est venue ? La maman est venue, ouais. Mais elle avait marre, elle pleurait, je pense pas. Enfin, je suis un petit peu ému de vous en reparler, mais ouais, maman est venue, c'était compliqué, quoi. Mais attends, genre, tu habites où, pardon ? T'habites une petite ville ? Tes parents habitent une petite ville ? Non, je suis à Paris. Ah oui, parce que souvent, ça, c'est des réactions qu'il y a un peu dans les provinces. Ouais. Mais je ne sais pas, enfin, ce n'est pas un crime ce que tu as fait. Tu te maries avec quelqu'un que tu aimes et... Alors, tu ne viendras pas avec une blonde, avec des énormes seins. Si ton père s'attendait à avoir une fille du Crazy Horse, ça ne marchera pas. Ça raté. Mais le principal, c'est que tu sois heureux. Enfin, c'est pas... bien sûr. Aujourd'hui, écoute, franchement, je suis très heureux. Et toutes les personnes qui ont un doute par rapport à ça, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter, il faut le dire. Vraiment, il faut le dire. Et puis, ça soulage la conscience. Et au final, je suis beaucoup plus heureux comme ça de le vivre au jour le jour plutôt que le vivre caché. Ah bah, je trouve que c'est une belle conclusion. Oui. Je te fais un gros bisou, ton copain. Attends, ton mari s'appelle comment ? David. David, ça veut dire, tu es en train de me dire, Fab, que donc, si jamais tu te brouilles avec David, tu vas devoir faire le divorce comme le divorce hétéro. Absolument, ouais. C'est ça. Et bah, bon courage. Attends, tu t'es mis dans une belle merde. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun. Of another dawn, I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Sur Énergie, c'est comme ça. 8% des gens mentent sur leur profil de rencontre, sur leur hobby. Ah ouais. Ils ah oui. disent aimer des choses pour en fait mieux draguer, alors qu'en vrai ils s'en foutent. Ouais. C'est comme sur les CV, quoi. C'est cinéma, art, machin, alors qu'en fait. Exactement. J'aime les expositions, mais en fait je sais pas comment ça s'écrit. Manu dans le 6-9. Manu. 6h-9h30 sur Énergie. La bonne idée débute avant Noël, et ben justement, c'est l'arrivage Noël avant Noël.